super là-dessus. De moi, ce qui ne font rien, eux n'avancent pas. Chaque jour, je profite ici-là. Dans mon petit monde, j'ai tous les droits. Allez! Pas une note. J'en ai deux. jours je profite de cela. Dans le petit monde je te rêve. Regarde tout autour de moi. La vie est cruelle, je sais pas quoi. Et si je me cache, on s'en va pas. C'est pour mieux comprendre. Ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas. Texte Benji. Donc celle-là, elle est à nous, celle-là. Bon, ah, j'entends ma petite famille. C'est l'heure de... Je dois y aller. Ah, désolé si j'ai tout pourri. Le petit Benji est demandé par sa femme à l'accueil. We'll be right back.